Patiente ce qui est qu'on changé, na kanga mode ma ce qui a qu'on changé, c'est là y a qui singa na kokate, et le caillou polingo est tombé. patiente soki eko changé. Nakanga motema soki ako changé. Zela ya kisinga na kokate. Eloko yo bolingo etumbu. Eloko yo souffrance.